à la dure, entassé. Famille nombreuse, le frigo presque vide, la maman ne gagne pas assez. Alors on se met à vendre de la drogue, puis des fois on passe au cambriolage, on déconne. Mais on a l'instinct de survie, tel des coyotes. Et ouais mon pote, cadavre sauvage, pour rien on t'attaque, souvent sur la défense. Heureusement que le shit nous apaise et que l'alcool soit une sorte de soulagement. On est une jeunesse fracasse en manque de renseignements, laissé comme mort sur le ciment. Mais on se laisse pas béton, entre nous on se serre les coudes, on encaisse les coups face au boucave, on garde nos couilles. On joue pas les fiers, non, on joue pas les marboules. Si c'est LH, c'est pas Kaboul, mais tu peux quand même finir sous terre sous les bruits d'un Kaboul. J'ai juste demandé de l'aide, élevé à l'assiette de couscous au verre de lait. Je renie pas mes origines, je renie pas ma famille, je renie pas mes amis. Moi, j'ai côtoyé la cité, je l'ai tellement zouké que je suis devenu bon qu'à picoler. Ouais, si la Red Bull ça donne des ailes, j'en absorbe toute la journée mais j'ai toujours pas décollé. Bref, tout ça me rend chelou, mon cerveau me joue des tours, bah ouais à croire que je deviens fou. Ici, chacun fait son but, chacun fait ses sous. Quand tu vois les petits du quartier grandir, devenir des voyous. L'exemple qu'on leur donne, c'est ça. À cause de nous, bah ouais l'école, ils chient là. Mais on préfère penser qu'à notre gueule. Dans le quartier, on joue les fous, on serre les folles. Il suffit pas de tourner la page, poser sur les projets, se rapprocher pour trouver sa place. Tous ces enrhumés malades de la zig, fils, on a tous un endroit rêvé sur les balades de la ville. J'suis pas de la salade, j'te la ferme. Pour me pousser, le vent suffit, les yeux rivés sur le cadran, mais j'attends pas la fin du film. Disons qu'on se fait le bilan de vitesse, on se laisse croire, laisse une goutte d'espoir dans un océan de tristesse. J'rappe la vie de ceux qui se blessent, qui rêvent à la vitre. Loin de ceux qui parlent beaucoup, je reste près de ceux qui se taisent. Ceux qui s'étouffent et qui se perdent n'ont pas compris qu'il suffit pas d'en avoir la tente pour résoudre le mystère. Je veux pas rentrer dans leurs critères, mettre des tasses dans les clips, non. Ça donnerait le mauvais exemple pour les petits frères. Tristesse, des soucis, on en mange et on digère. Je vois qu'il n'y a pas que dans les cœurs qu'on trouve la richesse.